Aïe, aïe, aïe, grand joueur arrivé. Coup de chaîne Kebay à Sous-Guyane la première. Chaque jour, suivez course bicyclette la Guyane, tes autres familles, tes autres amis. Ils ont accéléré l'allure. En conséquence, l'échappée, le sprint final verra la victoire. Du 16 au 24 août, suivez-nous en direct intégral. Radio, télé, site web et réseaux sociaux. Votre soirée sur la première. 20h. Toute chaîne Kebay. Le magazine revient sur les meilleurs moments de la plus populaire des courses cyclistes de l'an dernier. 20h55. L'école de la vie avec deux nouveaux épisodes à ne pas manquer. 22h40. Hors saison. L'enquête de Marina Hans et Sofiane Zermani prend des chemins de traverse. Toute chaîne Kebay. L'école de la vie. Hors saison. Bonne soirée sur la première. Cette année, Guyane la Première continue de vous jouer un tour. Participez à notre jeu connecté pour le Tour de Guyane. Pour jouer, c'est très simple. 1. Rendez-vous sur le stand de Guyane la Première. 2. Scannez le QR code avec votre téléphone. 3. Répondez correctement aux questions du quiz. 4. Repartez avec le cadeau de votre choix. À vos smartphones. Prêt ? Jouez avec Guyane la Première. Jusqu'au 31 août, joue avec le zoo de Guyane et gagne tes places sur la première. Tous les jours, pars à la découverte de la faune et la flore amazonienne avec Guyane la Première et le zoo de Guyane. Yeah. Kimbelli, Kimbelli, Soufouéli. Messieurs, chantez que nous, messieurs, chantez que nous, ok? Pour les temps des autres, chantez plus fort que ça, messieurs, parfait! Bien, Doberman! Y va-tu? Oh oh oh! On va laisser chanter! Oh oh oh! Chantez, chantez, chantez! Oh oh oh! Oh oh oh! Aïe, aïe, aïe! Oh oh oh! Yéka applaudit, pas si jaloux. Yéka dit tu es splendide, tu es magnifique. Yensaka dit à une déesse, fais-lui passer en bon mot. En basse au voile, Yéka bien rigolé. Dansez, dansez, dansez, dansez, titoulou. Dansez, dansez, dansez. Pas souffoué, pas souffoué, trop fort. Dansez, dansez, dansez, messieurs. Pas dansez, pas dansez, dansez. Piqueli, Tandeli, Tuneli, Chambéli, Soupeli, Champagne. Lopeli, Piqueli, Tangeli, Tuneli, Chambéli, Soupeli, Champagne. Avec modération, messieurs. Oui, la mamie de Yu, où est-elle, oui. Milo, petit bibi. Messieurs, soupoyez, soupoyez, messieurs, soupoyez. Yéka applaudit. Vas-y, Jean-Baptiste. Yéka dit tu es splendide. Tu es magnifique. Yensaka dit à une déesse. Fais-lui passer en bon mot. En basse au voile. Yéka bien rigolé. Dansez, dansez, dansez. Dansez, titou, dansez encore. Dansez, dansez, dansez. Messieurs. La France s'amuse. Dansez, dansez. Souris pour moi, doudou, souris. Suive. Messieurs, ça c'est pour vous, ça, messieurs. Ça c'était pour vous, messieurs, les fanatiques. Talon, talon, messieurs, talon. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Allez, chantez. Allez, chantez avec moi encore. Yes, l'inconnu à l'instant sur Guyana Première. Merci avec Sa Majesté Victor Klett. C'est un énorme succès en fait, et on aime bien raconter cette histoire aux plus jeunes, puisqu'en fait si ce morceau cartonne autant, eh bien c'est parce que elle a été, cette chanson en tout cas, a été joué pour la toute première fois en radio. En fait, c'était dans mon émission. C'était dans Tam Tam. C'est moi qui l'ai lancé, ce morceau, à l'époque. Donc, en exclu, cette version, donc, sur Guyane, la première. Merci de nous suivre. Merci de nous tendre l'oreille. Il est tout rond, 18h. Le journal avec Mélodie Nourry. Bonsoir Mélodie. Bonsoir Mike, bonsoir à tous. Plus que deux jours avant le coup d'envoi de la 32e édition du Tour cycliste de Guyane, qui, pour succéder à Lars Sorille, le vainqueur de l'année dernière, Verdict le 27 août prochain. En attendant, présentation de l'édition 2023 avec Nickerson Perdius.